Saison 2007, sentence. On fait ça avec le cœur, yeah yeah. UG au Moussinto, UVSS, yeah. Ok, ok. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres. Je me sens si seul, c'est triste, on dirait tous m'en veulent. Me piste, cette vie une prise de risque. Mais qu'ils sachent que le mal causé revient toujours à l'envoyeur. Pour preuve, la grandeur de leur tristesse. À chaque fois que mes rimes naissent, empreintes vocales qui te laissent sans stress. Ça me permet de me sentir libre, si tu ressens le même truc. C'est qu'on a la même vie mon pote, les stupides les ragots. Je n'ai rien à foutre, je rappe en argot pour ceux qui naviguent sur le même radeau. Et les putes qui parlent mal dans mon dos, un seul truc, niquez vos mères. Et frère, je fais mon travail, je fais mon taf, je reste à ma place, demande à mes potes. L'histoire se conclut, l'histoire continue. On reste lié à la rue comme les larmes et la peine. Ici le mal règne, rap sale comme l'équipe. Trois mouvements et on plie ça. On flirte avec l'imprudence. Du bruit, ça danse, ça rappe, ça baise. La nuit en France, c'est de la braise. On est le reflet de cette époque. Dans cette vie, on bloque. On est fiers ce qu'on est. Tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait, on le referait. C'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs. C'est pour les nôtres. On est le reflet de cette époque. Dans cette vie, on bloque. On est fiers ce qu'on est. Tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait, on le referait. C'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs. C'est pour les nôtres. Aïe, mis de côté, mis en quarantaine. On nous porte souvent un regard plein de haine. Ils veulent pas que la Colombie est en moi. Un jour, puisse déployer ses ailes. Les années passent comme les mois comme les semaines. Et moi, j'ai la haine. Comme le dit si bien le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Qui sème le vent, récolte la tempête. On n'est pas dans un récit fantastique. Y'a pas d'élixir, normal que dans mon lexique n'existe pas le terme je t'aime. Face à une telle atmosphère polaire, on perd notre sang-froid, tombe dans le désarroi. Les frères consomment du pollen et charbonnent dans la colombienne. Rêvent tous de rouler en Porsche Cayenne. Fils d'Adam et d'Ève, vis tes rêves. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres. Je fais un détour, un constat de l'époque. Être heureux si malheureux, vivre vieux, mourir si jeune. Avoir toute sa tête ou perdre la raison. C'est comme parler d'amour un tapin ou causer suicide un dépressif. Et le retrouver de ces quatre matins, les veines ouvertes. Je conçois que certains en est mort, les moins joies sont si rares. J'ai vu le mal dans les yeux de mes frères. Normal, dans cette société dépravée où t'es contrôlé par l'argent à la cam, où homme devient femme. On distingue plus le bien du mal. Tout s'achète, tout se vend, tout est un prix. L'amour, la haine, les rires, les pleurs, les joies, les peines. Génération prête à tout pour des rangs. Plus rien nous effraie, plus rien nous choque. La vente de drogue douce, d'exta ou de coke. Ça s'adresse à tous les jeunes, en particulier ceux des blocs. Génération 88, un salut à ceux de mon époque. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres. On est le reflet de cette époque, dans cette vie on bloque. On est fiers ce qu'on est, tous ces jeunes en bas des blocs. S'il fallait on le referait, c'est pour nos potes. Dédié à nos rues, nos blocs, c'est pour les nôtres.